إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc aujourd'hui la lecture de cette courte épître intitulée « Six fondements immenses et profitables » écrite par le cheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a vu dans le cours d'hier les trois premiers fondements qui sont l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de lui donner des associés. L'obligation de l'union dans la religion et l'interdiction de se diviser dans celle-ci, et l'obligation de l'écoute et l'obéissance aux gouverneurs musulmans, et l'interdiction de se révolter contre eux. On va voir dans le cours d'aujourd'hui les trois fondements suivants que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés ici, qui sont également d'une grande importance. Il a dit rahimahullah, le quatrième fondement est l'explication de ce qu'est la science et le fiqh, et de qui sont les savants et les fuqaha, ainsi que ceux qui s'apparentent à eux, alors qu'ils n'en font pas partie. Donc tout d'abord, il est important de savoir qu'est-ce qui est visé par la science. Lorsque la science est mentionnée dans les textes religieux du Coran et de la Sunna, ou dans les paroles des savants, ce qui est visé par celle-ci, c'est la science religieuse. La science du Coran et de la Sunna. Car cette science, c'est la plus importante des sciences de manière absolue. C'est celle qui t'indique comment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle t'oriente vers tout le bien et tous les intérêts, qu'ils soient religieux ou mondains. Et c'est par cette science que tu seras bien guidé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ignores cette science, alors tu encours le risque de t'égarer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que l'étude de la science est une obligation pour tout musulman. C'est une obligation pour tout musulman. C'est-à-dire que chacun d'entre nous se doit d'apprendre la science religieuse. Et non pas comme certaines personnes le pensent, que l'étude de la science est limitée à une catégorie de personnes en dehors d'autres. Chacun d'entre nous est concerné par l'étude de la science. Homme ou femme, petit ou grand, et ainsi de suite. Et ce car il y a des domaines dans la science religieuse, que nul parmi nous n'est censé ignorer. Et en premier lieu, ce qui est lié à la croyance authentique, et notamment la science du tawhid. Car comme on a dit, c'est sur cela que tu vas baser l'ensemble de ta religion. Il est donc indispensable d'apprendre cette base, afin de fonder ta religion sur des bases solides, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, après cela, chacun d'entre nous doit apprendre comment prier. Celui qui a de l'argent doit apprendre comment verser la zakat. Chacun d'entre nous doit apprendre les règles du jeûne. Et ainsi de suite, parmi les devoirs qui nous incombent sur le plan religieux. Et également dans tes relations avec les gens. Il est obligatoire, si tu fais du commerce, que tu apprennes les règles liées à ce commerce. Il est obligatoire, lorsque tu te maries, d'apprendre les règles du mariage. Et ainsi de suite. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La recherche de la science, l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. » C'est-à-dire qu'il y a une partie de la science que nul parmi nous n'est censé ignorer. Et donc cette science, comme on l'a dit, qui est venue dans les textes, et qui a été mentionnée en bien dans les versets du Coran, ou les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science du Coran et de la Sunna. Non pas comme certaines personnes le pensent que c'est la science d'un point de vue général. Mais ce qui est visé dans les textes, c'est la science religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ » Dit sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Est-ce que le savant et l'ignorant, ils sont égaux? Il n'y a pas de doute qu'ils ne sont pas égaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui à qui Allah veut un bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Ou alors, on pourrait traduire également, « Il l'instruit en religion. » Celui à qui Allah veut un bien, lui fait comprendre la religion, il l'instruit en religion. Qu'est-ce que cela signifie? On comprend qu'inversement, celui qui n'est pas instruit en religion, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas voulu ce bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, ni or, ni argent, mais ils n'ont laissé en héritage que la science. Ainsi, celui qui l'apprend aura certes saisi une part prospère. Donc il n'y a pas de doute que lorsqu'on lit ces textes, comme on a dit, ce qui est visé, c'est la science religieuse, la science du livre et de la sunna. Quant aux autres sciences, parmi les sciences mondaines, science de la médecine, la science de l'industrie, ou toute autre science mondaine, alors son jugement dépendra de ce à quoi elle mène. Si elle mène à un bien, alors son apprentissage est un bien. Mais si elle mène à un mal, alors son apprentissage est un mal. Et si cette science ne mène ni au bien ni au mal, alors les gens de science ont dit qu'elle relève de la futilité et de la perte de temps, et qu'il n'y a donc pas d'intérêt à l'apprendre. Et la science religieuse, elle se distingue des autres sciences du fait qu'elle comporte de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de science, ici-bas et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de science en degré en fonction de ce qu'ils ont accompli comme appel à Allah subhanahu wa ta'ala et mise en pratique de cette science qu'ils ont apprise. Et ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de science parmi ses serviteurs. Comme vous le voyez, les gens de science ont un rang éminent au sein de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Également parmi les bénéfices de la science religieuse, il y a le fait, comme on l'a mentionné dans le hadith, que c'est l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a laissé en héritage ni or ni argent. Mais comme les autres prophètes, il n'a laissé en héritage que la science. Il nous incombe donc de rechercher cet héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et libre à chacun d'entre nous de faire des efforts afin de saisir sa part de cet héritage. Il est rapporté qu'un jour Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu est passé par le marché de Médine. Il a alors dit en s'adressant aux gens du marché, « Qu'ai-je à vous voir ici, c'est-à-dire dans le marché, alors que l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être partagé? Pourquoi n'allez-vous pas prendre votre part ?» Alors, ils l'ont immédiatement interrogé au sujet de cet héritage et de l'endroit où il était partagé. Alors Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu les informa que cet héritage était partagé à la mosquée. Ils se sont empressés de se rendre à la mosquée, et ce, afin d'obtenir leur part de cet héritage. Et Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il resta à les attendre. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Abu Huraira, « Nous nous sommes rendus à la mosquée, nous y sommes entrés, et nous n'avons vu aucune chose en train d'être partagée. » Alors Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu leur dit, « Et il n'y avait personne à la mosquée ?» Ils lui répondirent, « Si, nous avons vu des gens prier, d'autres lire le Coran, et d'autres en train d'étudier le licite et l'illicite, c'est-à-dire en train d'étudier la science. » Abu Huraira leur a alors dit, « Malheur à vous, malheur à vous, ceci est l'héritage de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » Et ce récit est rapporté par l'imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, et l'imam al-Albani, rahimahullah, l'a jugé bon. On voit à travers cela que cette science, la science religieuse, c'est la chose la plus importante que le serviteur doit rechercher, car c'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi ses bénéfices, il y a le fait que cette science, elle fait partie de ce qui continuera de te profiter même après ta mort, lorsque tu seras seul dans ta tombe et que tes œuvres seront interrompues. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur meurt, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de trois. Une aumône continue, s'il a fait une sadaqa, comme la construction d'un puits par exemple, ou qu'il a planté des arbres et que les gens continuent de tirer profit de ce puits ou de ces arbres. Alors, il en récoltera les récompenses, bi'idhnillahi ta'ala. » Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Une science dont on profite. » C'est-à-dire que si tu as appris une science, et qu'après cela tu l'as enseignée, tu l'as partagée autour de toi, ne serait-ce qu'à ton épouse et à tes enfants, à tes frères et sœurs, tu partages avec eux cette science. Puis ensuite, ils vont l'enseigner eux à leurs enfants, qui l'enseigneront à leurs enfants, qui l'enseigneront encore à leurs enfants, et ainsi de suite. Tu auras de la récompense pour chaque personne qui aura appris cette science par ton intermédiaire. Même après des siècles, à partir du moment où tu feras partie de ceux qui ont transmis cette science à un moment ou à un autre, alors tu seras récompensé pour tous ceux qui l'auront appris après toi par ton intermédiaire. Donc on voit que cela est un mérite immense. Et cela comporte de nombreuses hasanats, de nombreuses bonnes actions qui ne peuvent être dénombrées. Et la troisième chose qui est venue dans le hadith, c'est l'enfant pieux qui invoque en ta faveur. C'est-à-dire que tu laisses après toi un enfant pieux qui, après ta mort, invoquera Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Donc on voit à travers ce hadith que celui qui laisse derrière lui une science dont les gens profitent après sa mort, il sera rétribué en bien pour cela alors qu'il se trouve dans sa tombe. Et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Également parmi les bénéfices de cette science religieuse, il y a le fait que c'est une lumière par laquelle tu t'éclaires. Et ce, afin de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment te comporter avec les gens. Ainsi, plus tu vas apprendre cette science, plus tu seras éclairé par cette lumière. Et tu avanceras, bi'idhnillahi ta'ala, avec science et clairvoyance. Quant à celui qui reste dans l'ignorance, qui n'apprend pas la science, qui ne recherche pas la science, alors il est comme une personne plongée dans l'obscurité. L'obscurité de l'ignorance. Et il n'y a pas de doute que s'il est plongé dans l'obscurité, alors il va tomber dans de nombreux méfaits. Il tombera dans des péchés, il se peut qu'il tombe dans des innovations, car il ignore que ce sont des innovations, ou pire encore, il tombera peut-être dans la mécréance ou le polythéisme, et ce, car il n'est pas éclairé par la lumière de la science, lui permettant de distinguer entre le bien et le mal. Donc cette science, c'est une lumière, et également, celui qui la possède, c'est une lumière pour les gens. C'est-à-dire que le savant, il éclaire les gens au sujet de leurs affaires religieuses et mondaines. Et vous connaissez certainement l'histoire de cet homme parmi les enfants d'Israël qui a tué 99 personnes. Après cela, il a souhaité se repentir. Il a alors interrogé un adorateur, un dévot, afin de savoir s'il pouvait se repentir. Et l'adorateur, il n'a pas forcément de la science. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a considéré son péché trop grave. Il lui a alors dit: non, tu ne peux pas te repentir. À l'écoute de sa réponse, l'homme le tua alors. Il compléta ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Après cela, il s'est renseigné et il a demandé où il pouvait trouver un savant afin de pouvoir l'interroger. On lui a alors indiqué un savant. Il s'est rendu auprès de lui et ce savant l'a alors éclairé par la lumière de la science et il l'a orienté vers ce qui était profitable pour lui ici-bas et dans l'au-delà. Tout d'abord, il lui a dit qu'il pouvait se repentir et que rien ne pouvait s'interposer entre lui et le repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'ensemble des péchés à celui qui se repent. Après cela, il lui a indiqué une chose qui allait l'aider à se réformer. Il lui a dit: il y a à tel endroit une contrée dont les habitants sont vertueux, alors rends-toi dans cette contrée. C'est-à-dire qu'il lui a ordonné de quitter l'endroit dans lequel il avait commis ses meurtres, commis ses péchés, et de se rendre auprès de gens vertueux, auprès de qui il pourra se réformer. Et ce, car celui qui a commis des péchés dans un endroit, lorsqu'il se trouve dans cet endroit, il va se rappeler de ses péchés passés. Il revoit les endroits dans lesquels il a commis des péchés. Ou alors, il croise les gens avec qui il commettait des péchés auparavant. Et ceci peut le mener à revenir en arrière, à rebrousser chemin après avoir emprunté le chemin de la droiture. Donc en s'éloignant de cet endroit, il s'éloigne ainsi des causes qui pourraient l'amener à rebrousser chemin et à retomber dans les péchés. Et ceci est en réalité un des bienfaits de la hijra, l'émigration sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quitter la terre de polythéisme dans laquelle tu as peut-être commis des péchés avant de connaître la voie de la droiture, ou avant de connaître la religion de l'islam, et de te rendre dans une terre d'islam. Ainsi, cela te permettra de mieux te réformer et d'améliorer ta situation par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme, il s'est rendu vers la contrée que lui avait indiqué le savant, puis la mort lui est venue en chemin. Quoi qu'il en soit, ce qui est visé ici, à travers la mention de ce récit, c'est de montrer la différence entre l'ignorant et le savant. L'ignorant, qui était l'adorateur, il lui a donné une réponse à hauteur de ses connaissances. Une réponse relevant de l'ignorance, tandis que le savant, il l'a éclairé de par sa science. On tire donc comme bénéfice de ce récit, premièrement, que l'adorateur, ce n'est pas une personne de science. Car il y a certaines personnes qui se laissent leurrer par le fait qu'un dévot fasse de nombreuses œuvres d'adoration. Et ils pensent que sous prétexte, par exemple, qu'il jeûne beaucoup, qu'il fait beaucoup de prières surérogatoires, qu'il le voie donner beaucoup d'aumônes, qu'il le voie rester longtemps à la mosquée, il pense par exemple qu'il va être mieux que le savant. Le savant qui peut-être, de par ses occupations dans la science, dans la propagation de la science et de son enseignement, n'est pas en mesure de consacrer autant de temps que le dévot à certaines œuvres surérogatoires qui sont de moindre importance que la science et son enseignement. Donc le premier bénéfice à tirer de cela, c'est que l'adorateur n'est pas un savant, c'est-à-dire n'est pas forcément un savant. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce récit, c'est que revenir au savant, c'est une cause de réussite ici-bas et dans l'au-delà, et une manière d'obtenir le salut. En effet, regardez cet homme qui a interrogé le savant. Le savant l'a orienté vers la voie à suivre. C'est pour cela qu'il est important pour nous, lorsque l'on ignore une chose, que l'on ne sait pas quelle est la voie à emprunter, que l'on ne sait pas quelles sont les actions à faire dans telle ou telle situation, de revenir aux gens de science, puis de suivre leurs orientations. Car leurs orientations, elles sont pour nous comme une lumière, qui nous éclaire et nous indique la voie juste à suivre. Également, parmi les bénéfices que l'on tire de ce récit, il y a le fait que le musulman, lorsqu'il souhaite poser une question, il doit prendre garde à ne se diriger que vers un savant, une personne dotée de science, en qui il a confiance quant à son savoir et quant à sa piété. Et ne pas interroger n'importe qui. Pas parce que tu vois quelqu'un, par exemple, qui parle beaucoup d'islam, qui sur les réseaux sociaux propage des paroles profitables et qui te paraît avoir une certaine piété, que cela suffit pour l'interroger. On voit aujourd'hui des gens qui posent leurs questions sur les réseaux sociaux au premier venu. On voit quelqu'un qui partage beaucoup de rappels, il a une question, il lui pose, il ne sait même pas qui il est. Quelles sont ses aptitudes? A-t-il étudié? Est-il une personne de la sunna? Ou une personne de l'innovation? Et ainsi de suite. Se dirige vers le premier venu. Ou alors il va à la mosquée, il regarde l'apparence des gens et selon les apparences, il se dirige vers celui qui lui paraît être le plus de confiance, sans même savoir qui il est, il lui pose sa question et ensuite il se contente de cette réponse. Ce n'est pas comme cela que l'on doit se comporter, mais quand tu as une question à poser, tu dois interroger au sujet du savant, au sujet de celui qui a de la science, celui qui pourra te répondre d'une réponse conforme au Coran et à la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala. Enfin, parmi les bénéfices que l'on tire de ce récit, il y a une mise en garde claire et évidente quant au fait de répondre aux questions sans science. On a dit les gens, ils ont dû laisser aller quant au fait de poser leurs questions au premier venu. Mais inversement, il y a nombre de personnes qui ont dû laisser aller à répondre aux questions sans science. Si on te pose une question, tu es plus connaisseur de ta propre personne. Tu connais tes aptitudes. Pourquoi te mets-tu à répondre aux questions des gens alors que tu sais que tu n'as pas la science ni les aptitudes pour répondre? Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas chargé de cela. On te pose une question dont tu ne connais pas la réponse, tu dis Allahu a'lam. Et ne prends pas le risque de mentir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est un grave péché. Donc comme on a dit à travers cela, les gens de science sont pour nous une lumière qui nous éclaire la voie empruntée afin de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que ceci est clair, il est indispensable pour nous de savoir qui sont ces savants. C'est-à-dire, qui sont les vrais savants? Ceux vers qui je dois revenir pour poser mes questions. Ceux vers qui je dois revenir pour apprendre la science. Et cela est très important. Car malheureusement, aujourd'hui, les gens ne distinguent plus entre les personnes affiliées à la science. Ils ne distinguent pas entre le savant et le simple étudiant en science. Ils ne distinguent pas entre le savant et un prédicateur. Ils ne distinguent pas entre un savant et un simple imam de mosquée. Il suffit qu'une personne se fasse appeler cheikh, qu'il provienne d'un pays arabe, qu'il soit arabophone, qu'il connaisse quelque peu le Coran, quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être considéré comme un savant. Alors qu'il se peut que cette personne n'ait qu'étudié que très peu. Simplement, il est présent sur les réseaux sociaux, il parle beaucoup, son nom revient souvent, son numéro de téléphone a circulé parmi les gens, il répond aux appels, aux questions sur WhatsApp ou autre, alors les gens pensent que c'est un savant. Parfois même sans connaître son parcours dans l'étude de la science. Ceci est une erreur. Le savant, tu ne vas pas le reconnaître en fonction de sa présence ou non sur les réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'une personne c'est un grand savant parce qu'il y a beaucoup de vidéos de lui sur YouTube. Celui-là, il est beaucoup traduit, donc c'est lui le plus grand savant. Et d'autres savants moins mis en avant sont dépréciés et on ne leur donne aucune considération. Donc le savant, comme le dit l'éminent cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, c'est celui qui enseigne la religion d'Allah en la puisant du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est celui qui clarifie aux gens leur religion et les éclaire à partir des textes du Coran et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Puis il nous dit, ce n'est pas celui qui vient aux gens avec des récits et des discours qui sont parfois inventés. Celui-ci, ce n'est pas un savant. Mais le savant, c'est celui qui dit aux gens Allah a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tel est le savant Rabbani, qui enseigne aux gens la science en commençant par les questions simples, puis en avançant graduellement dans cela. C'est-à-dire qu'il éduque les gens de la même manière que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, éduquait ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ceci est le sens rapproché d'une parole du Cheikh Ubaid, hafidhahullahu ta'ala. Donc les savants, ce sont ceux qui éduquent les gens sur la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et non pas ceux qui éduquent les gens sur les passions, sur les innovations, ou sur leurs propres opinions. Et ils appellent Allah, subhanahu wa ta'ala, avec science et clairvoyance, suivant le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à son sujet, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis, voici ma voie, j'appelle les gens à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc ce verset nous expose la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'appel à Allah. Et c'est cette voie que ses suiveurs doivent emprunter. J'appelle les gens à Allah, c'est-à-dire à la religion d'Allah. Je n'appelle pas les gens à ma personne, à me suivre moi, ou à suivre mon groupe. Mais le but de mon appel est que les gens suivent et s'accrochent à la vérité venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent au Coran et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment j'appelle les gens? Avec clairvoyance. C'est-à-dire en me basant sur les preuves. Les preuves du livre de la sunna, et non pas sur les passions et les innovations instaurées par ceux qui se détournent de la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le vrai savant, c'est celui qui emprunte cette voie dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il appelle sincèrement à la religion d'Allah, au suivi du livre d'Allah et de la sunna, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'appelle pas à sa propre personne, ou à ce que les gens le suivent lui en dehors de tout autre, et il se base sur ses paroles sur des preuves évidentes. Non pas sur des jugements, ou des suppositions, ou des conjectures, ou des soupçons, ou des mensonges, ou des innovations, mais il se base sur des preuves évidentes tirées du Coran et de la sunna. Il est donc impératif de comprendre cela, afin de distinguer les savants de ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. Et lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui s'apparentent aux savants, le fait de s'apparenter à eux, cela peut avoir deux sens. Il y a un sens qui est louable, dans lequel il n'y a pas de mal, et un sens qui est blâmable. Le sens qui est louable, c'est le fait de s'apparenter à eux dans leur comportement, dans la recherche de la science, dans la manière de prêcher, dans le cheminement, dans la méthodologie. Ceci est quelque chose de louable. Cela revient à prendre les savants comme modèle. Et il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Mais ce qui est visé par l'auteur ici, rahimahullah, afin de distinguer les savants de ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie, c'est ceux qui n'ont que le nom, comme on a dit. Se fait appeler Cheikh, il s'apparente aux gens de science, mais en réalité, si tu creuses un petit peu, tu te rends compte, parfois il n'a pas de parcours dans la recherche de la science religieuse, n'a pas étudié auprès des savants. Et puis si tu regardes ce à quoi il t'appelle, tu vois qu'en réalité cela s'oppose à ce à quoi appellent les gens de science. Donc il faut prendre garde à cela. Prendre garde à ces gens qui s'apparentent aux savants dans leur aspect ou dans leur allure, dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir, mais qui en réalité ne sont pas des savants et ne sont pas semblables à eux. Et ça, tu vas le reconnaître quand? Au moment des troubles. Lorsque tu auras besoin de bons conseils. Lorsque l'on aura besoin de la loyauté des savants envers les gens et de leurs bons conseils. Tu verras qu'au moment des troubles, ceux qui s'apparentent aux savants, ils s'opposent aux savants et rejettent leurs conseils, refusent leurs orientations. Pourquoi? Car ils pensent être eux les savants. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des conseils de savants. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des orientations des savants. Pire encore, ils pensent être plus connaisseurs que les savants quant à ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Il faut donc prendre garde à cela. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, Allah a exposé ce fondement au début de la sourate al-Baqarah. À partir de sa parole, « Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, wa awfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. » Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Jusqu'à sa parole, Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Donc le shir ici, rahimahullah ta'ala, il vise par cela ces versets de sourate al-Baqarah dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné des caractéristiques des pseudo-savants. Et parmi ces plus grandes caractéristiques, qu'est-ce qu'il y a? Le fait de mêler le faux à la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre cela. Il a dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous interdit deux choses. Le fait de mêler le faux à la vérité et le fait de cacher la vérité. Et ces deux choses, ce sont les deux points que vont utiliser les savants du faux, les savants de l'égarement, afin d'éloigner les gens du chemin de la droiture. Ils mêlent le faux à la vérité, pourquoi? Car si le faux leur est présenté comme tel, les gens ne vont jamais l'accepter. S'ils viennent à eux et disent aux gens, opposez-vous à la sunna du messager, ne vont jamais accepter. S'ils viennent à eux et qu'ils leur disent, faites du shirk, donnez des associés à Allah, ils ne vont jamais accepter. Donc, ils vont essayer d'enjoliver ce faux en le mêlant à une part de vrai. Et ce, afin de tromper les gens. Et en parallèle de cela, ils vont cacher une part de la vérité alors qu'ils en ont connaissance. Ils ne vont pas la clarifier aux gens, mais ils vont la cacher. Ceux-là, ce sont donc des prêcheurs aux portes de l'enfer, et non pas des prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, ce fondement est d'autant plus clarifié par ce qui est mentionné dans la sunna à ce sujet, comme nombreuses paroles claires et explicites, même pour une personne ordinaire et simple d'esprit, à l'exemple des hadiths que l'on a mentionnés. Ceci devint par la suite une des choses les plus étranges, c'est-à-dire la science. La science et le fiqh furent considérés comme innovation et égarement, et leur alternative est de dissimuler le faux sous l'apparence de la vérité. Désormais, celui qui prononce la science qu'Allah a louée et prescrite aux créatures est déclaré hérétique ou fou, et quiconque la condamne s'en éloigne et compose des ouvrages mettant en garde contre elle, et l'interdisant est le savant et l'érudit. Et telle est la situation de grand nombre de personnes aujourd'hui. Celui qui appelle à l'islam authentique, il sera clarifié d'être quelqu'un d'arriéré, quelqu'un qui ne comprend pas l'actualité, qui ne comprend pas la situation des musulmans. Pourquoi? Car il les appelle à l'islam authentique. Quant à celui qui vient avec les innovations et le faux, comme grand nombre de personnes qui se mettent en avant pour parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les chaînes de télévision, alors ceux-là se considéraient comme étant des mouftis, comme étant des gens de science, alors qu'en réalité ils appellent les gens à l'égarement et à s'opposer à la voie de la droiture, la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici c'est comme si le shaykh, il faisait allusion aux imams des gens de l'innovation. Ceux qui égarent les musulmans. Et également, il fait allusion à ceux qui diffament les gens de la sunna, en les accusant de ce dont ils sont innocents, afin de détourner les gens d'eux, et que les gens ne profitent pas d'eux, ne profitent pas de leur science. Et ceci fait aussi partie des ruses et de l'héritage de ceux qui les ont précédés parmi les gens du faux, et qui ont traité de mensonges les messagers, alayhimu salatu wassalam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Donc voici de qui sont les héritiers, ceux qui donnent aujourd'hui aux gens de la sunna toutes sortes de sobriquets ayant pour but d'éloigner la communauté des gens de la vérité et de les faire plonger dans leur filet et dans l'égarement. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit, le cinquième fondement est qu'Allah caractérise clairement ses alliés et les distingue de ceux qui leur ressemblent parmi les ennemis d'Allah. Donc ceci également est un fondement très important. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il nous a exposé les caractéristiques de ses alliés et ce afin qu'on les distingue des alliés du diable. Car ce n'est pas toute personne qui prétend être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est vraiment un allié. Ce n'est pas toute personne qui vient et qui dit « je suis un wali, je suis un saint » qui est réellement comme il le prétend. Car sinon, nous dirions tous et nous prétendrions tous être des alliés d'Allah, s'il suffisait de le prétendre pour l'être réellement. Cependant, cette prétention, elle doit être évaluée en fonction des œuvres de la personne. Si ses œuvres sont conformes à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna concernant les caractéristiques des alliés d'Allah, alors cette prétention est acceptée de lui. Mais si ses œuvres n'y sont pas conformes, et qu'au contraire elles s'opposent à ce qui est venu dans les textes, alors cela veut dire que sa prétention est une prétention mensongère. Quant à ceux qui se nomment, dans certains pays, comme étant le maître, le Sayyid, ou alors le saint, le wali, si tu médites sur leur situation, tu verras que bon nombre d'entre eux sont bien loin d'être des alliés ou des maîtres. Et c'est pour cela que le musulman il ne doit pas se laisser leurrer par quiconque prétend être un wali. Et ce, jusqu'à ce qu'il évalue sa situation par ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna comme description des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné ici trois versets nous permettant de distinguer les alliés d'Allah. Il a dit, rahimahullah, il suffit à ce sujet d'un verset de la sourate Ali Imran, qui est sa parole, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ » dit, « Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. C'est-à-dire, dis, ô Mohammed, à ces gens qui prétendent aimer Allah. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Suivez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah vous aimera. Ce verset, il est appelé par les gens de science, le verset de la mise à l'épreuve. Car il y a des gens qui ont prétendu aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, les a mis à l'épreuve par la descente de ce verset, afin de voir s'ils étaient véridiques dans leur prétention d'aimer Allah. Donc quiconque prétend aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, on le met à l'épreuve par ce verset. S'il suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est véridique. Mais s'il s'oppose à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et refuse de le suivre, cela nous indique que sa prétention est mensongère. Donc il n'est pas possible qu'une personne fasse partie des alliés d'Allah, qu'il aime Allah et soit aimé d'Allah, alors qu'il refuse de suivre la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc une des caractéristiques des alliés d'Allah, le fait de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset, il nous dit, ainsi qu'un verset de la sourate Al-Ma'ida, qui est sa parole, « Ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. » Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple que Allah aime et qui eux aiment Allah. Puis dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ces personnes. Il nous donne leurs caractéristiques. Quels sont ceux qui sont aimés par Allah et qui aiment Allah? Il nous dit subhanahu wa ta'ala, « Adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. » Ils sont modestes envers les croyants, et fiers et puissants envers les mécréants. Ils luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quatre des caractéristiques de ceux qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. La première caractéristique, c'est qu'ils sont modestes envers les croyants. Ils ne s'opposent pas aux croyants. Ils ne combattent pas les croyants. Ils ne se placent pas contre les croyants et ne s'opposent pas aux croyants. Mais ils sont modestes envers eux et ils les soutiennent. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont fiers et puissants envers les mécréants, c'est-à-dire forts et dominants. Ils ne se rabaissent pas et ne s'avilissent pas pour les mécréants. La troisième caractéristique, c'est qu'ils luttent dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils prodiguent des efforts pour que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit la plus haute. Et la quatrième caractéristique, c'est qu'ils ne craignent le blâme de personne. C'est-à-dire que si quelqu'un les blâme pour ce qu'ils mettent en pratique de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors ils ne craignent pas ce blâme. Cela ne les empêche pas de mettre en pratique la religion d'Allah. Le fait de mettre en pratique la religion, si cela est la cause du fait que certaines personnes se moquent d'eux, ou les rabaissent, ou les dénigrent, ou s'éloignent d'eux, ou les regardent méchamment lorsqu'ils sont dans la rue, ainsi de suite. Cela ne les empêche pas de mettre en pratique la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais ils restent fermes sur sa religion. Et ceci fait partie des caractéristiques des gens qui sont aimés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, et un verset de la sourate Yunus, qui est sa parole, « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. » En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit clairement qui sont ses alliés. Il dit, selon le sens rapproché, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Puis ensuite, il nous donne les caractéristiques de ses alliés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc la foi et la piété, ce sont les deux plus grandes caractéristiques des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui prétend être un allié d'Allah, mais qui n'a pas la foi, ou qui fait des actes annulant l'islam, comme du polythéisme, ou la prétention de connaître l'invisible, ou autre parmi les formes de mécréance. Ou alors qu'il a la foi, mais qu'il ne fait pas partie des pieux, qui commet des grands péchés. Alors celui-ci, il ne remplit pas la deuxième caractéristique qui est nécessaire pour faire partie des alliés d'Allah. C'est pour cela que Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, nous dit à ce sujet que tout croyant pieux fait partie des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Croyant, c'est-à-dire qu'il concrétise la foi. En concrétisant la foi en ses six piliers, comme on l'a mentionné, dans les trois fondements. Pieux, c'est-à-dire qu'il se soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Tel est l'allié d'Allah qui sera aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « Il est advenu par la suite, Chez la plupart de ceux prétendant avoir de la science et faire partie des guides parmi la création et être des protecteurs de la législation. Que pour faire partie des alliés d'Allah, écoutez bien la gravité de ce que prétendent certaines personnes parmi les gens de l'égarement. Que pour faire partie des alliés d'Allah, il faut délaisser le suivi des messagers. Et quiconque les suit n'en fait pas partie. En effet, dans certaines confréries soufies, ils considèrent que leur cheikh, leur gourou, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire entre eux et Allah. Qu'ils prennent leur religion directement d'Allah. Ils ne sont donc pas soumis à la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas besoin de lui. Wal'iyadhu billah. Et pour eux, celui qui suit le messager ne fait pas partie des alliés d'Allah. Ensuite, il dit, il faut aussi délaisser la lutte sur le sentier d'Allah. Et quiconque lutte n'en fait pas partie. Il faut délaisser les œuvres. Il faut aussi délaisser la foi et la piété. Et quiconque persévère sur la foi et la piété n'en fait pas partie. Et telle est la situation de nombre de personnes dans les confréries soufies. Souvent, les chefs de confrérie, les gourous, tu les verras qu'ils ne prient pas, ne jeûnent pas, ne donnent pas la zakat. Ils ne font aucune œuvre parmi les œuvres de bien qui sont légiférées dans notre noble religion. Et en parallèle de cela, il se peut qu'ils commettent des graves péchés. Des péchés liés aux mœurs, ou encore la consommation de l'alcool, et ainsi de suite. Et si tu leur demandes pourquoi il fait cela, il te dira, il a atteint la certitude. Il n'est plus soumis à la législation. Le cheikh rahimahullah ta'ala dit ensuite, ô Seigneur, nous implorons ton pardon et ta protection, tu réponds certes à l'invocation. En effet, ces gens-là, ils ont tellement inversé les choses que pour eux, pour être un allié d'Allah, il faut délaisser le message d'Allah. Ils pensent que le wali, c'est celui qui ne suit pas les messagers, qui ne lutte pas sur le sentier d'Allah, qui ne croit pas en Allah et qui ne craint pas Allah. Il ne se soumet pas aux ordres d'Allah, il ne délaisse pas les interdits. Et telle est la situation, comme on a dit, de nombreuses personnes parmi les confréries soufis, il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. Et le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre très profitable à ce sujet qui est intitulé La distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. Et j'ai dans un cours précédent, lors d'une étude précédente des six fondements, lu quelques passages de cet ouvrage et vous pouvez revenir, le cours est disponible sur le site annasiha.com. Enfin, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit Le sixième fondement est la réfutation de l'ambiguïté établie par le diable, afin que le Coran et la Sunna soient délaissés au profit des opinions et des passions diverses et divergentes. Cette ambiguïté suggère que le Coran et la Sunna ne pourraient être compris que par un mujtahid mutlaq. Celui-ci est décrit par des qualités qui ne se retrouvent peut-être même pas complètement chez Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhumah. Ceci est donc le sixième fondement que le cheikh rahimahullah ta'ala nous expose ici, et qui est la réfutation d'une ambiguïté établie par le diable, qui est le fait que le Coran et la Sunna, ils seraient trop compliqués pour être compris par la masse des musulmans, et que pour les comprendre, il faudrait être un mujtahid mutlaq. Mujtahid, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des efforts d'interprétation, comme le font les savants. Les grands savants, ce sont des mujtahidoun. À travers les textes du Coran et de la Sunna et de leur connaissance des règles liées à ces sujets, ils vont tirer et déduire des jugements à partir des textes. Donc ils disent pour comprendre le Coran et la Sunna, il faut être un mujtahid, mais pas seulement un simple mujtahid, un mujtahid mutlaq, c'est-à-dire dans son sens absolu. À ce mujtahid, ils ont exigé qu'il remplisse des caractéristiques, qu'il ait des qualités, que peut-être ces caractéristiques, elles ne vont pas se retrouver chez Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhum. Alors que ce sont les deux meilleurs hommes de cette communauté, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si eux, ils ne remplissent pas ces qualités, qui après eux peut prétendre remplir ses qualités. Et leur objectif à travers cela, c'est d'éloigner les gens du Coran et de la Sunna. En leur disant, vous n'avez pas atteint ce niveau. Il n'est donc pas possible pour vous de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Car, pour comprendre ces textes, il faut que vous remplissiez telle et telle et telle condition. Donc il n'y a pas de doute que cette ambiguïté, c'est une ambiguïté qui est complètement fausse. Et qui mène à l'égarement évident. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran à l'ensemble de la communauté. Et il nous a tous enjoint la méditation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. Rappelle donc, par quoi? Par le Coran, celui qui craint ma menace. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel aux gens par le Coran si les gens ne peuvent pas comprendre le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit également au sujet de son noble livre, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Comment méditer si on ne peut pas comprendre les versets? Il n'y a pas de doute que ceci va en opposition totale avec ces versets du Coran. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, nous avons rendu le Coran facile pour sa méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un pour tirer des leçons et tirer exhortation et profiter des versets du Coran? Donc ceci nous montre très clairement que même les gens qui ont peu de savoir, parmi les gens ordinaires, il y a nombre de versets du Coran qu'ils peuvent comprendre sans aucune difficulté. Simplement en les écoutant, ils vont comprendre leur sens. À titre d'exemple, si on vous lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Wa ilahukum ilahu wahid, et votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas besoin d'une grande explication pour comprendre ce verset. Le simple fait de l'écouter, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, que c'est le seul à mériter l'adoration. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus à vos prières et la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Toute personne qui écoute ce verset comprend qu'il lui incombe d'être assidu à ses prières. Il n'a pas besoin d'aller interroger un mujtahid ou un grand savant pour comprendre l'ordre qui lui a été enjoint par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Il aura simplement besoin d'interroger les gens de science et de revenir à leurs paroles ou à leurs écrits afin de comprendre la manière d'être assidu, connaître les horaires de prière et ainsi de suite. Mais il comprend immédiatement qu'il lui est ordonné d'être assidu à sa prière. Également, lorsqu'on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion de droiture. Toute personne qui lit ce verset comprend son sens, comprend qu'il lui incombe de vouer un culte exclusif à Allah, comprend qu'il lui incombe d'accomplir la prière, de donner la zakat, et ainsi de suite. Il n'aura besoin de revenir aux gens de science que pour comprendre les détails à ce sujet, comprendre comment vouer le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, comment accomplir cette prière, comment verser cette zakat, et ainsi de suite. Mais ce verset suffit pour lui exposer la preuve et qu'il comprenne que la prière est une obligation, qu'il est obligatoire de vouer un culte exclusif à Allah, et qu'il est obligatoire de verser la zakat. Il n'aura plus qu'à connaître ces conditions, et pour cela il reviendra aux gens de science, et ainsi de suite, parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci nous montre que cette ambiguïté, qui est propagée par des gens de l'égarement, n'a pour but que d'éloigner les gens de l'apprentissage de la science religieuse, et notamment du Coran et de la Sunna. Ils voudraient que le Coran ne soit qu'un livre qui est récité sans que l'on en tire des leçons, sans que l'on médite, sans que l'on en profite, mais simplement qu'on le récite pour la baraka, pour la bénédiction, comme le font bon nombre de personnes aujourd'hui, qui lisent le Coran sans aucune méditation, sans même chercher à comprendre qu'est-ce qui lui a été ordonné dans tel verset, quel est le sens de ce verset, et ainsi de suite. Et cette ambiguïté, bien que sa fausseté est évidente pour nous aujourd'hui, il ne faut pas penser que cela est évident pour tout le monde. Il y a nombre de personnes dans beaucoup de pays qui ont été trompées par cela, et qui pensent qu'ils ne peuvent pas comprendre le Coran et la Sunna. Certaines personnes, parfois, tu viens vers eux avec un hadith clair, leur prouvant par exemple l'interdiction d'une chose. Ils vont te dire, oui, peut-être, il a dit ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Subhanallah. Comme s'il était dénué de raison. Il n'y a pas de doute qu'il y a des choses qui nécessitent le retour aux gens de science, surtout dans la science du tafsir. Mais il y a des paroles qui sont claires et évidentes et qui sont comprises de tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu l'apprentissage de la science facile. Elle est simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite et le succès. Et pas difficile. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et celui qui se détourne de cela, qui ne veut pas tirer profit du Coran et de la Sunna et qui ne veut pas en tirer des leçons, alors en réalité il ne fait que se causer du tort à lui-même. Et c'est à son sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ » Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, ne veut pas tirer des leçons du Coran et de la Sunna, nous lui désignerons un diable qui devient son compagnon. Il s'est détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, détourné du livre d'Allah, détourné de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est sa rétribution? Il est soumis aux suggestions du diable. Il n'y aura que cela. Et le diable, il va le pousser à quoi? Il va le pousser à l'égarement, aux passions, à la division, aux innovations. et pire encore à la mécréance et au polythéisme. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il nous dit ensuite, si l'homme n'est pas ainsi, c'est-à-dire si l'homme ne remplit pas les caractéristiques qu'eux ils ont exigées pour pouvoir comprendre le Coran et la Sunna. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il doit alors obligatoirement se détourner du Coran et de la Sunna, sans aucun doute ni aucun problème. Et quiconque qui cherche la bonne voie est hérétique ou fou au vu de la difficulté à les comprendre. Subhanallah. Pour eux, si tu viens à eux et que tu leur dis, j'ai lu le Coran et j'ai vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela, tu es dans l'erreur. Pourquoi? Car tu n'es pas un mujtahid. Tu ne dois pas chercher à puiser ta religion du Coran et de la Sunna. Et leur objectif, au final, c'est quoi? C'est que leurs suiveurs soient dépendants d'eux. Et telle est la situation de nombre de sectes, dans lesquelles les adeptes n'ont pas le droit de lire, n'ont pas le droit de s'instruire, parfois même n'ont pas le droit d'apprendre à lire et à écrire. Pourquoi? Dans le but qu'ils restent dépendants de leur gourou. Et c'est leur gourou qui leur dit qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit, selon ses passions et ses désirs. Tel est l'objectif de cette ambiguïté, éloigner les gens de la voie droite et de la religion de droiture, en les éloignant des sources de notre religion qui sont le Coran et la Sunna. Ensuite, il dit, rahimahullah, gloire et louange à Allah, qui a donné tant de preuves dans la législation et dans les faits, qui réfutent cette ambiguïté maudite sous divers aspects, à tel point que ceci compte parmi les choses nécessairement connues de tous. C'est-à-dire que tout croyant doué de raison, il sait qu'il lui est possible de comprendre du Coran et de la Sunna les ordres et les interdits d'Allah. Il sait qu'il lui est possible d'apprendre la science afin de comprendre au mieux le Coran et la Sunna. Il sait que ceci n'est pas une chose inaccessible, comme on l'a vu à travers les versets. Nous avons certes rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Donc la science religieuse, il ne faut pas croire, comme on a dit au début du cours, qu'elle est réservée à une catégorie de personnes en dehors d'une autre. Mais toute personne, toi comme moi, nous pouvons tous avancer sur ce chemin, le chemin de l'apprentissage de la science. Cela nécessite simplement des efforts de notre part. Car, comme l'ont dit certains salafs, la science ne s'obtient pas par le repos du corps. Cela demande donc des efforts de ta part. Mais ce n'est pas impossible. Il ne faut pas que tu croies que c'est un objectif qu'il ne t'est pas possible d'atteindre. Si tu fais des efforts et que tu avances pas à pas sur le chemin de la science, en commençant par apprendre les bases, alors, bi'idhnillahi ta'ala, tu pourras atteindre cet objectif. Il ne faut pas penser que c'est un objectif qui n'est pas possible d'atteindre. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a conclu cet épître en disant « Seulement la plupart des gens ne savent pas. » Puis elle a mentionné quelques versets de Sourate Yassine dont les sens rapprochés sont « En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée, et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. » Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Et c'est ainsi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a conclu ce fondement. Et avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point lié à ce fondement. On a dit que l'objectif de ces gens, c'était d'éloigner les gens du Coran et de la Sunna, en leur faisant croire qu'il n'est pas possible pour eux de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Et aujourd'hui, il y a un appel qui ressemble à cela et qui commence à se propager au sein des francophones. Cet appel, c'est la prétention de certains prédicateurs, parmi les prédicateurs de l'égarement et du faux, qu'il n'est pas possible pour les gens de comprendre la religion si ce n'est en se limitant à une école juridique. Et que sans ça, la personne sera perdue, au vu des nombreuses divergences et des nombreux textes, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que étudier la science en suivant la méthodologie d'une école juridique, que ce soit l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i ou l'école de l'imam Ahmad, et ainsi de suite, ce n'est pas une chose qui est interdite. Et cela peut être très profitable pour l'étudiant en science. Toutefois, le fait de se restreindre à une école en dehors de toutes les autres, et en rejetant ce qui n'est pas présent dans cette école, ceci reviendra forcément à rejeter une part de vérité, et à rejeter parfois certaines choses qui ont été confirmées du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela reviendra à mettre cet imam que l'on prétend suivre au même rang que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car le seul homme que l'on suit de manière absolue, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est ni Malik, ni Shafi'i, ni Ahmad, et encore moins les savants venus après eux. Donc je tenais à faire cette parenthèse importante, car ces gens qui appellent à cette méthodologie, et à se restreindre à une école juridique, prétendant que ceci est un moyen d'unir la communauté, ils veulent en réalité couper la communauté de ces savants. Car ils vont leur dire, tu ne peux pas revenir à tel savant, pourquoi? Car ce n'est pas un savant de ton madhab. Toi tu es malikite, et lui, il est hambalite, donc tu ne peux pas prendre sa fatwa. Tayyib, donc à qui je reviens? Il te dira, eh bien reviens à nous. Nous répondrons à tes questions et nous t'orienterons et t'exposerons l'avis de l'imam Malik. Nous avons l'imam Malik, nous n'avons pas besoin de l'avis de tel ou tel parmi les contemporains. Et ainsi, il mène les gens à l'égarement et au rejet de la vérité, wal'iyadu billah. Donc prenez garde à cet appel qui est très présent au jour d'aujourd'hui chez de nombreuses personnes parmi les prédicateurs aux faux, ceux qui sont notamment très actifs sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, et qui tentent ainsi d'égarer les gens et de couper les gens de leurs savants et les éloigner de la voie de la vérité. Enfin, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il conclut cette épître en disant « Voici la fin de cette épître. Les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, qu'Allah couvre d'éloges et salue de manière abondante notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons, jusqu'au jour de la rétribution. » Nous avons donc terminé par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'étude de cette troisième épître, si fondement immense et profitable de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, et nous verrons dans l'assise de demain, Inch'Allah ta'ala, la quatrième épître qui concerne les annulatifs de l'islam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.